Ah, je sais ce qui monte à la tête de votre seigneur et maître. C'est une querelle avec les ouvriers de sa fabrique. Ils viennent de lui envoyer, de Norton à Londres, une députation pour demander la grâce de Toby, un de leurs compagnons. Les pauvres gens ont fait bien vainement une lieue à pied. Retirez-vous, Kitty, avec vos deux enfants. Vous êtes inutiles ici. Cet homme-là vous tuera. C'est une espèce de vautour qui écrase sa couvée.